Chapitre 2, page 19, exercice 4. 1. On entend les pas sur le gravier. 2. Cette actrice a des caprices. Elle proteste violemment quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. 3. Roxane raconte que Gaspard est tombé amoureux de Solène, que la femme de Gaspard doit être jalouse. 4. Dans le silence, mon estomac fait du bruit. C'est gênant. 5. Louise entend le bruit des tutus et des costumes des danseuses.